بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Nous à l'autre joie, que Allah veille et courant en bas nous, pour guider nous. Alors nous commençons avec plusieurs causes qu'a entraîné guider. Premièrement, nous avons que faut nous invoquer Allah et nous demander de guider nous. Deuxièmement, faut que nous lire Coran. Et aussi, faut que nous songer que nous appartiennent à Allah, faut que nous obéir. Si nous appartiennent à lui, faut que nous obéir. Et faut que nous songer que Allah qui juge nous pour tout ça nous fait. Et aujourd'hui, nous allons aborder d'autres causes très importantes pour nous obtenir guider. Si nous les guider, faut que nous craignions Allah. Ça, c'est un bagage qui est très important. Il y a un pile monde qui pas qu'à comprendre bagage ta là. Il y a qu'à dire, bon Dieu bon. Oui, nous pas qu'à nier ça. Nous pas qu'à nier que Allah qu'a pardonné. Mais faut que nous savons aussi que Allah qu'a puni. Et qu'a punition terrible. Et donc, faut que nous aimions Allah. Parce que Allah, c'est lui qui bat nous toute bagaille là et qu'il est bon, il t'a pardonné. Mais faut que nous craignions lui aussi. Faut qu'on aime et faut qu'on craigne lui aussi. Et c'est pour ça que Allah dit encore en Coran, "Dhalikal kitab la raiba fi." Lifta pas ni un seul doute en lui. Il s'est en guidé pour les moutakines. Nous avons verset là. Il s'est en guidé pour qui moun? Pour les moutakin. Ça les dit moutakin. Moutala, c'est un mot arabe qui a défini toutes ces mouns-là qui n'y la piété et qui a craint Allah. Et donc, l'ifta, c'est un guide, bah yo. Et si vous réfléchissez bien, ou que un moun peli Coran mille fois, il peli mille fois. Si il pas ni la crainte, si il pas qu'à craindre Allah, il peut qu'il fait ça, il m'en déye. Si pas qu'à craindre Allah, il peut qu'il fait ça Allah mandé. Et Allah dit aussi à dans le Coran, à dans l'autre sourate, In tattakullaha yaj'al lakum furqana. Si zot craignent Allah, il gay bazot discernement. C'est qui ça discernement? C'est qui ça ça y est? C'est que on y la capacité de distinguer bon à du mauvais. Ni en l'autre monde qui pas ni ça. Il y a des gens, si vous avez une madame musulmane, et puis un voile dans les têtes. Vous avez dit, ça qui là? Pourquoi vous avez mis ça dans les têtes? Pourtant, vous avez vénéré Marie. Et Marie, c'est une madame voilée. Alors, exemple, ça a montré nous que ces gens-là, vous avez un problème de discernement, vous avez un problème, vous n'avez pas ça distingué. Bon, hein, dit mauvais. Hein. Yo pas ça fait ça. Yo ka wa madame voile, yo ka wa madame voile, yo ka blâme yi, et après yo ka vénéré madame qui voile. Il y a un problème. Il y a un problème de discernement. Et c'est exactement ça que nous ka crier la guider. Que on différencier le bon du mauvais. Et aussi parmi cause guider, hein, il y a le fait que on ka adorer en seule divinité. Allahu Akbar. Parmi cause guidée, il y a le fait que vous adorez en seule divinité. Et nous avons dit plus qui ça encore. C'est ça la guidée. Si vous adorez plusieurs divinités, ou pas ni la guidée. Alors méditez bien les ça. Allah a dit encore en Elladina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Oula ikalahumul amnu wahum muhtadun. C'est mon nom qui n'y la foi et qui pas qu'à mélanger foi yo et puis quelconque injustice, c'est yo qui n'y la sécurité, c'est yo qui n'y sécurité hein? Et c'est yo qui bien guidé. Il y a des moun qui peut dire moins à présent, mais Abdelkarim, verset à la, il pas qu'à parler d'y adorer Allah seul, il pas qu'à parler d'y adorer en seule divinité, il pas parler d'injustice là. Verset à la, qui a montré nous que faut pas nous ni injustice en nous. Nous ka répondre et nous ka dit que Allah Allah fait descendre le Coran pour guider nous. Mais est-ce que là nous calions en verset, nous peut comprendre li qu'on nous l'a? Réponse là, c'est non. Et c'est pour ça que parfois, zot pe wè des moun ka fè des bagay abominable au nom de l'islam. Et bagay ta la pas dans l'islam même, il pas dans il. Mais yo ka fè ça au nom de l'islam. Parce que c'est moun ta la ka prend parole Allah et yo ka comprendre parole la kon yo li. Alors faut que nous sav que Allah fait descendre Coran et il choisit prophète là-bas nous pour expliquer nous Coran. Allah dit en Coran: Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Nous fait descendre rappel là en l'air. Nous fait descendre rappel là, c'est-à-dire Coran, pour expliquer ces moun-là ça qui descend en l'air yo et pour yo réfléchir. Nous fait descendre parole là en l'air pour expliquer ces moun-là ça qui descend en l'air yo et pour yo réfléchir. Et donc si vous les ni en bonne compréhension, faut comprendre Coran et explication prophète là. Ou peut pas quitter explication prophète là, ou obligé prendre et puis yo. Alors, moi ka bazot explication verset là. Abdullah ibn Mas'ud qui c'est yon parmi ses compagnons prophètes là, ça il a dit nous. Il a dit nous concernant verset là que manli bazot talea, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. C'est moun lan qui ni la foi et qui pa ka mélanger foi yo et puis quelconque injustice, c'est yo qui ni la sécurité, c'est yo qui ni sécurité a et c'est yo qui bien guidé. Abdullah ibn Mas'ud dit nous que les versets à la descend, bagay la te red en les ses compagnons prophètes là. Yo dit, est-ce que il ni un seul parmi nous qui pa ka tomber à dans l'injustice? Est-ce que il ni un seul parmi nous qui pa ka faire quoi injustice? Si zot réfléchit bien les bagay ta là, zot ka wè que ça vrai. Parce que nous tout ka fait péché, nous tout ka tomber en ça, et donc nous ka faire quoi nous injustice les nous ka péché. Alors ça te raide dans les ses compagnons. Yo dit comment nien, nous tout ka faire injustice, nous tout peut faire injustice en les corps nous les nous ka péché. Alors le prophète la tan bagay ta là, ça il dit yo, il dit c'est pas qu'on zot ka penser, c'est pas comme ça. Ça le dit que verset ta là pas ka parler d'injustice ta là. Prophète là ka montre nous que verset ta là il pas ka parler d'injustice ta là. Par contre, signification verset a, c'est qu'on lokman dit li chama Elia. Prophète là dit nous que signification verset a, c'est qu'on lokman dit li chama Eli. Alors on nous garder ça lokman dit li chama Eli. Nous ka garder dans l'autre verset du Coran, Allah cite histoire Lokman et Pichama Eli. Allah dit nous: Wa id qala Lokman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Et songe les Lokman dit li Chama Eli pendant que il était ka exhorter: Oh ti bonhomme, parfait polythéisme et puis Allah. Certes, polythéisme là, c'est en injustice manifeste. Polythéisme là, c'est en injustice manifeste. Et donc, c'est ça que Allah te l'a dit en verset là. Allah parle nous, dit polythéisme là. Et il criait polythéisme là, injustice. Et ça vrai. Comment y est? Allah, c'est lui qui crée nous. C'est lui qui bat nous tous à nous nia. C'est lui qui fait que Martinique et Guadeloupe et ces autres îles là dans Caraïbes là, belle comme ça, c'est lui qui fait que nous ni mango vert, c'est lui qui fait que nous ni bon, nous ni fouilla pain, dachine, tinin, goyave, de l'eau coco, maracuja, toutes ces baguettes là. C'est Allah qui fait que nous nions tout ça. Et après ça, nous qui adorons Jésus, ou Marie, ou Sainte Thérèse. Mais ça, c'est une injustice manifeste. C'est une injustice profonde. Et donc, signification verset que nous étudions aujourd'hui, c'est que c'est moun lan qui nie la foi et qui pas qu'à faire polythéisme. C'est yo qui nie la sécurité, c'est yo qui nie sécurité et c'est yo qui bien guidé. Alors, parmi les causes guidées, faut que nous savons que nous adorons une seule divinité et que nous appliquons ça correctement. Et donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons deux points. Nous avons deux points qui sont très importants. Premièrement, que parmi ces causes guidées, faut que nous craignions Allah. Parce que si nous ne pas craignons lui, nous pouvons profiter, nous pouvons bénéficier de ces signes-là qui livrent bas nous. Nous pouvons bénéficier du livre-là qui livrent bas nous. Livre-là, nous pouvons lire mille fois, nous pouvons profiter. Si nous ne pas craignons lui. Il a dit nous arrêter manger ça, nous pouvons continuer à manger. Parce que nous ne pouvons pas craindre lui. Il a dit ces gens-là arrêter de forniquer, ils ont continué, ils continuent à forniquer, pouchi, parce qu'ils n'ont pas qu'à craindre lui. Arrêter manger cochon, ils ont continué, parce qu'ils n'ont pas qu'à craindre lui. Et donc, faut que nous craignions Allah premièrement. Aussi, un autre point que nous voyons qui est très très important, si vous voulez trouver la guidée, faut que vous compreniez, faut que vous sachiez que vous pouvez adorer en seule divinité. Il faut que vous appliquiez point Allah à la lettre. Faut qu'on adore en seule divinité, pas yon, pas deux, pas trois, pas cinq. En seule divinité. Et donc, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Hein? Et nous allons continuer à dans le prochain cours, en le même sujet. Hein? Cause guidée, hein? C'est cause guidée. Hein? Et prochain cours, nous allons en cause qui est très, très, très important. Pour tous ces gens qui ont cherché guidée, hein? Sincèrement. Tout le monde qui a cherché guidée, hein? Sincèrement, il a trouvé que point A, c'est un point qui est très décisif. Très décisif. Alors, nous avons dit qu'on nous, en l'autre là, nous avons demandé, mon Dieu, nous avons demandé à Allah, bah nous toute la guider. Nous avons demandé à Allah guider toutes ces mounes-là aux Antilles. Guider yo pour yo trouver la vérité, pour yo faire yo sortir d'obscurité, pour yo rentrer en lumière. Parce que Allah est capable d'y faire toutes choses. Faut pas nous désespérer et faut que nous continuer à travailler. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.